premier temps d'une nouvelle série de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux anonymes ou aux inconnus des archives. Après vous avoir parlé des héros de l'histoire la semaine dernière, nous allons cette semaine avec Séverine Yatar, qui a préparé cette série avec nous, vous parler de celles et ceux, esclaves, foules révolutionnaires ou pauvres, qui laissent parfois peu de traces dans les archives. Demain, dans notre documentaire, Arlette Farge visitera les archives qui ont servi à son travail d'historienne. Mercredi, nous nous demanderons comment redonner des noms aux victimes de l'esclavage. Et jeudi, Michel Zancarini-Fournel, Philippe Artière et Jacques-Olivier Boudon débattront de ce que les historiens font de ces inconnus. Et aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons aborder les foules de la Révolution française avec l'écrivain Éric Vuillard, auteur la saison dernière de 14 juillet chez Actes Sud. Il dialoguera avec l'historien Michel Biard, professeur à l'université de Rouen en Normandie et membre du laboratoire GRIS. Vous êtes ancien directeur des annales historiques de la Révolution française et vous avez dressé les portraits de personnages dont on ne peut pas dire qu'ils sont des anonymes de la Révolution, comme Collot d'Herbois, Robespierre ou encore Danton. Et votre dernier livre, chez Vendémiaire, est titré « La Révolution hantée, enfer fantasmé et Révolution française ». La ferme est triomphante, blanc, blanc, grand en plan, tirelire en plan. Le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille, marchent à la Bastille, et partout la de brille. La ferme est triomphante, blanc, blanc, grand en plan, tirelire en plan. Le bourgeois et le marchand marchent à la Bastille. Les citoyens de tout rang, rirent, blanc, blanc, en plan, tirent en plan. Suivent les drapeaux flottants de vos nénères intrépides, vos nénères intrépides, rien ne les intimide. La prise de la Bastille par le Sextoir de la Cité pour ouvrir cette émission de ce lundi avec vous, Séverine Yatar. Bonjour. Avec vous, Michel Biard, merci d'être avec nous. Et avec vous, Éric Vuillard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez décidé l'année dernière, Éric Vuillard, de rompre avec votre habitude. En tout cas, c'est comme cela que je l'ai entendu. Nous vous lisons et nous sommes beaucoup à aimer beaucoup ce que vous écrivez à la Fabrique de l'Histoire. Des romans qui prennent appui sur l'histoire. Le dernier en date s'appelle L'Ordre du Jour. Il est paru juste avant l'été et il nous raconte la montée des périls avant la Seconde Guerre mondiale. Et généralement, dans vos romans, vous mettez en scène des puissants qui sont très nombreux et qui sont à la manœuvre pour faire avancer leur intérêt, que ça soit justement l'Anschluss pour l'ordre du jour, que ça soit la grande bataille d'Occident racontant la Première Guerre mondiale ou encore Congo racontant la conférence de Berlin dite du partage de l'Afrique. Et là, vous avez fait un pas de côté avec 14 juillet, paru l'année dernière chez Actes Sud, en vous intéressant à des anonymes, en tout cas à ceux qui, peut-être à part le travail de Michelet et d'autres historiens plus récents de la Révolution française, étaient peu connus du grand public, ceux qui avaient fait la prise de la Bastille. Pourquoi avoir fait ce changement ou ce pas de côté, Éric Vuillard, et vous intéresser à ceux qui laissaient peu de traces dans l'histoire ? Alors, tout d'abord, les livres, d'une certaine manière, s'inscrivent toujours dans le temps. C'est-à-dire, nous sommes tributaires lorsque nous écrivons. Je pense que c'est la même chose pour des recherches, d'ailleurs. Nous sommes tributaires de ce qui se passe du monde social dans lequel nous sommes inscrits. Donc, sans doute que ce livre sur le 14 juillet, l'idée ne me serait pas venue de l'écrire il y a une dizaine d'années. C'est le contexte, je pense, politique et social, qui a rendu possible ce livre. Enfin, l'idée d'abord du livre, et enfin pas seulement l'idée d'écrire sur le 14 juillet, mais de l'écrire de cette manière-là aussi. Et je crois, enfin pour le saisir, je crois qu'il faut regarder un petit peu une séquence au long cours qui s'est jouée dans l'histoire à la fois de la littérature et je pense de l'histoire elle-même, qui est que finalement, pardon, je vais le faire à grands traits, disons que tout au long du XXe siècle, ce qu'on a vu d'abord, c'est une première séquence dans laquelle on est sorti de ce qu'on a appelé l'histoire diplomatique, l'histoire à la papa, c'est-à-dire l'histoire à la fois des grandes dates et des grands hommes, pour une histoire au long cours, profonde, sociologique, disons, pour le dire très vite. De la même façon. Ou anthropologique. De la même façon, en littérature, et je crois que ce qui a été le point de pivot, ça a été la Première Guerre mondiale, on est passé tout à coup d'une littérature qui était, après la Révolution française, finalement l'héritière d'une littérature d'Ancien Régime, et qui, certes, avait fait entrer le peuple dans la littérature. Balzac fait entrer César Birotteau parfumeur, mais dans le même temps, finalement. Et Victor Hugo, Les Misérables. Absolument, mais dans le même temps, on voit bien que l'histoire, que ce soit celle de Jean Valjean, ou de Cosette, ou l'histoire de César Birotteau, précisément, s'inscrit dans une forme d'histoire héroïque. Il leur arrive des tas de choses, il y a des tas de péripéties. Et puis, tout à coup, il se trouve que la guerre mondiale place les masses dans les tranchées, que quand on en sort, on ne peut plus même raconter, si vous voulez, ça ne peut plus être seulement le Waterloo de Stendhal, c'est-à-dire on n'y voit rien, ça ne suffit plus. C'est-à-dire qu'on a vécu tous dans la même boue pendant plusieurs années, et donc les récits qui en sortent sont des récits du peuple. Il n'est plus question des états-majors, il n'est plus question non plus de jeunes héros assoiffés d'aventure et qui sont déçus. Non, c'est autre chose, c'est la vie au long cours finalement du peuple et ses douleurs. Et donc, que ce soit Giono, Céline, la littérature raconte tout à coup, tout à fait différemment les événements importants. Et surtout, pendant la Première Guerre mondiale, il n'y a plus de grande date. C'est fini, elles disparaissent chaque jour. Il peut y avoir 10 000, 15 000, 20 000 morts, c'est-à-dire à peu près les chiffres des grandes dates de jadis. Si bien que pendant longtemps, je crois, l'histoire et la littérature ont laissé de côté deux choses, les grandes dates et les grands hommes, disons, ceux qui nous dirigent. Or, le problème aujourd'hui, dans le contexte où nous sommes, c'est que précisément, il existe toujours des hommes qui nous dirigent, et si nous n'en parlons plus, alors nous évitons les responsables. C'est-à-dire, nous parlons des douleurs du peuple, mais nous ne savons pas qui est aux manettes et quelle part de responsabilité, en tout cas, ils peuvent avoir. Et d'une autre manière, si nous oublions les grandes dates, eh bien, il se trouve que des grandes dates comme le 14 juillet sont le fait du peuple, alors nous oublions l'héroïsme populaire. Oui, voilà donc, c'est donc la longue introduction, pourrait-on dire, à ce travail qui... Non, mais c'est très bien. Au contraire, ça clarifie beaucoup votre position, mais vous n'avez pas exactement répondu à ma question, parce que, tout compte fait, après le 14 juillet, vous êtes revenu à votre travail d'une certaine façon d'avant, de vous intéresser à ce qui fait, ce que font les dirigeants quand ils nous dirigent d'une certaine façon, ce qui est votre travail plus ou moins récurrent, à part peut-être Tristesse de la Terre qui racontait l'histoire de Buffalo Bill, et 14 juillet, le reste de vos œuvres, c'est toujours l'histoire de conquérants, l'histoire de dirigeants, l'histoire de puissants qui d'une certaine façon tiennent dans leurs mains des générations entières de gens qui vont subir les conséquences de leurs décisions. Oui, sans doute parce que aujourd'hui précisément, nous sommes davantage dans un moment où des formes d'élite très différentes finalement dirigent effectivement nos destins et que la part, disons, démocratique et effusive n'est quand même pas la plus grande. Ce qui fait que, bon, ben, 14 juillet, puis j'avais pas sans doute vocation à devenir uniquement l'historien des périodes révolutionnaires. Mais il me paraissait surtout que le 14 juillet est une date très particulière. La possibilité dont je parlais au départ d'en parler tient aussi au fait que c'est notre fête nationale. C'est-à-dire, au fond, raconter une émeute d'abord victorieuses, il faut en trouver, elles sont peu nombreuses, et puis ensuite dont il est possible de parler, autour duquel tout à coup, si vous voulez, puisque c'est le thème de l'émission, vous voyez bien qu'il y a, disons qu'on a un prurite général contre la foule, qu'on entend très fréquemment dans le vocabulaire, par exemple, du lynchage médiatique, enfin ce genre d'expression. Eh bien, avec le 14 juillet, on avait la possibilité peut-être de parler, dans des positions politiques, disons, différentes, d'une émeute, sans que ça fâche tout le monde. Et d'un point de vue historiographique, alors Michel Vuillard, parce que ce 14 juillet, et vous le dites aussi, hein, Éric Vuillard, on l'avait abandonné depuis l'école des Annales, pratiquement, ou alors on travaillait sur les représentations du 14 juillet, le rejeu du 14 juillet, mais sur l'événement lui-même, on travaillait plus vraiment sur ce sujet-là. Et là, Éric Vuillard, vous prenez l'événement énorme, enfin imposant, mais voilà, du point de vue au ras du sol, hein, l'histoire par le bas. Et comment voilà, dans l'historiographie de la Révolution française, ça se joue justement ce 14 juillet. Michel Viard. Oui, je crois que en fait le 14 juillet, en tant qu'événement historique, effectivement, a eu des historiens depuis très longtemps. On a trouvé ces historiens il y a maintenant plusieurs décennies. Hein. Je veux dire, je ne voudrais pas citer tous les auteurs qui ont travaillé sur cet événement, mais à partir de là, il est clair que sur la foule, on a une autre approche et que des auteurs ont travaillé sur la foule et pas uniquement sur le 14 juillet. Donc, ça pose une question qui va être un peu différente selon qu'on se focalise sur cette foule en émeute, comme on l'a dit tout à l'heure, ou sur la foule en général. On oublie que la foule est aussi une foule qui peut manifester pacifiquement, que la foule est aussi une foule qui vient à des fêtes, à des célébrations, que la foule, plusieurs centaines de personnes en tout cas, c'est également elle qui vient participer à tel ou tel événement politique, entendre tel ou tel discours. Je crois qu'il faut dissocier d'emblée, même si nous sommes là pour parler avant tout du 14 juillet, dissocier d'emblée le fait que la foule est forcément une foule violente. Sinon, nous allons nous enterrer dans un débat qui serait sans fin. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez participé à cette très belle entreprise, donc avec Philippe Bourdin et Sylvain Barzagali, de l'histoire de France de chez Belin. Et vous avez été en charge dans ce volume 1789-1815 qui s'intitule Révolution consulat empire de la partie consacrée à la Révolution française. Et quand on le lit, ce grand manuel, pourrait-on dire, il y a, allez, une demi-page sur le 14 juillet, et dans laquelle vous mettez le 12 et le 13 juillet, et le 17 juillet aussi, d'une certaine façon, Michel Biard. C'est-à-dire que c'est comme une histoire réglée, d'une certaine façon, pour les historiens, on a l'impression. C'est-à-dire cette minoration qui peut se comprendre, au point de vue de l'ensemble des événements pré-révolutionnaires et révolutionnaires, de l'acte du 14 juillet, entre dans un gros livre qui s'appelle « Révolution consulaire empire » dont vous êtes un des trois responsables, Michel Biard. Donc c'est intéressant d'essayer de comprendre pourquoi, alors que le romancier qui est à côté de vous tente dans un livre justement de peut-être souffler encore sur les braises et de ranimer la flamme. Oui, on peut le dire comme ça, mais on peut aussi considérer que le 14 juillet est un événement central dans le déclenchement de la Révolution, savoir à partir de là si c'est la date qui fait qu'on entre en Révolution, c'est un débat là aussi sans fin chez les historiens. Ce nonobstant, à partir du moment où on doit écrire un livre, ce qui est le cas ici, sur 1789-1815... Oui, même s'il y a 500 pages ou 600 pages... Évidemment, on part du principe que s'il y a une prose suffisamment importante sur l'événement 14 juillet, on peut le traiter en une page ou deux. C'est une évidence. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on le minore. Alors, Éric Vuillard, vous avez décidé de le regonfler d'une certaine façon ce 14 juillet, mais comme le disait tout à l'heure Séverine Yatard, en partant par le bas, en faisant une histoire par le bas, visiblement très inspiré par l'historienne, entre autres, dont on parlera demain, peut-être, Arlette Farge, et toute une historiographie qui s'intéresse à cette question de ces anonymes ou ceux qui laissent peu de traces dans les archives, et en leur redonnant chacun leur vie, la vie qui précède et la vie qui suit, justement, cet événement monstre dans l'histoire de France. Oui, en fait, par rapport aux séquences que j'évoquais tout à l'heure, ce qu'on a effectivement, c'est une première séquence longue au XIXe siècle, au fond, où les historiens s'emparent de l'histoire de la Révolution et font donc, parmi l'histoire de la Révolution, l'épisode du 14 juillet, qui est pour eux central. Seulement, ils le traitent d'une certaine manière, qui est celle du XIXe, à savoir d'une façon, disons pour le dire vite, héroïque, autour de quelques personnages, qui d'ailleurs ne sont pas des personnages issus du peuple, qui sont des personnages qui ont mené les ambassades le jour du 14 juillet, et principalement pour Michelet notamment, qui est la matrice de cette histoire, l'ambassade de Turlu de la Rosière en fin de matinée. Alors que, évidemment, les historiens, notamment après la guerre, mais enfin pas seulement, ont commencé à travailler sur la sociologie des foules. Donc on a Georges Rudet, plus près de nous, effectivement, Arlette Farge, ou d'autres, Raymond Meunier, par exemple, qui fait tout un travail sur la sociologie du Faubourg Saint-Antoine. Donc on connaît mieux ces foules. Or, il se trouve que le récit est sorti des manières de faire l'histoire pour les historiens. Ce qui fait que la littérature, là, me semble-t-il, peut faire quelque chose, c'est-à-dire en prenant la science, qui est celle, disons, des historiens modernes, reprendre, renouer le fil, au fond, avec le récit, mais d'une autre manière. C'est-à-dire non plus un récit qui tournerait, et ça a son importance à la fois littéraire et politique, autour d'une seule figure, ce qui est une façon ancienne et donc qui a une connotation politique particulière de faire un récit, mais à partir de quelque chose de plus fragmenté. Un récit choral, on pourrait dire. Oui, alors pour en donner, je crois, l'importance politique, en tout cas, que ça peut avoir, et littéraire, il faut se rappeler, je crois, de la façon dont Michelet raconte tout ça. Michelet, la moitié de son récit du 14 juillet porte sur l'ambassade de Thuriot. Ça fait beaucoup, la moitié tout de même. Et le reste, ce sont des propos très généraux sur la foule et rien de plus. Or, dans cette moitié, de surcroît, il fait une mise en scène très particulière. Thuriot de la Rosière entre en ambassade, donc non pas du tout pour que la Bastille tombe, mais pour demander l'introduction d'une milice bourgeoise. Il veut contrôler que les canons aient bien été retirés des embrasures, et en haut de la tour, Michelet nous fait toute une mise en scène somptueuse, où il y a même un petit dialogue, un petit bout de dialogue dont on ne sait pas d'où il le tire, entre Thuriot de la Rosière et le gouverneur. Et à ce moment-là, il fait, au moment où, Thuriot de la Rosière se met près des, au bord de la tour, il nous raconte que la foule arrive du faubourg Saint-Antoine et se met à applaudir. Il y a donc en fait une mise en scène avec d'un côté le représentant du peuple qui a la parole et de l'autre le peuple anonyme, précisément, et aphasique en quelque sorte. Michel Biard. Oui, alors Michelet, on sait d'où il tire ses récits quand même, hein, puisque nous sommes en train de travailler, une équipe d'historiens et une équipe de littéraires mêlés, nous sommes en train de travailler une réédition de l'histoire de la Révolution française qui est à paraître à la Pléiade, donc les fameux volumes Michelet, la Pléiade. Et en fait, nous avons ces sources, puisque la bibliothèque historique de la ville de Paris conserve les archives, fait une partie des archives de Michelet, et on sait qu'il a travaillé beaucoup en s'appuyant sur l'histoire parlementaire de la Révolution française, donc publiée en plusieurs dizaines de volumes au XIXe siècle, et qu'il a travaillé aussi sur les archives parisiennes, avant évidemment l'incendie de 1871 qui les fait disparaître. Alors nous avons à la bibliothèque historique de la ville de Paris toute une série de petits papiers de Michelet, où on voit comment il a travaillé, comment il a constitué son histoire. Et il est vrai qu'il a tendance, sa plume a tendance en tout cas, à la fois prendre des personnages qu'il transforme en personnages principaux, alors effectivement Thuriot, mais d'autres aussi, et à la fois à parler du peuple comme une espèce d'entité très, très générale. Pour autant, il est l'un des premiers historiens à insister autant sur le peuple dans la Révolution française. Bien sûr, c'est brillant. Mais vous, Éric Vuillard, quand vous travaillez justement sur les individus, ces anonymes, qui composent la foule à ce moment-là, et précisons quand même que c'est vrai que votre livre s'intitule 14 juillet, mais vous partez d'avant le 14 juillet, puisqu'il y a la révolte de Réveillon en avril, et que là, déjà, on entend le grondement. Le grondement, et on voit certains de ces individus qui se révoltent. Vous êtes à la recherche, vous dites des 98, c'est ça, hein, qui vont faire tomber la Bastille, en tous les cas, aller à la Bastille. 90, ce sont les morts. Les morts, voilà. Donc, et puis, voilà, toute cette foule qui s'avance comme ça. Sur quelle, voilà, vous avez trouvé les documents. Et vous disiez tout à l'heure, Michel Biard, qu'on trouve toujours, quand on veut, des histoires de ces anonymes. Oui, alors d'abord, juste pour ce qui concerne les sources de Michelet, bien sûr, hein, ce que je voulais dire, c'est que, notamment en haut de la tour, les sources, il ne peut pas y en avoir beaucoup, puisque Delaunay est mort à la fin de la journée, le gouverneur de la Bastille, et que donc, il ne reste que Thuriot, qui a effectivement laissé, semble-t-il, une ou peut-être deux relations, mais dans laquelle ce petit dialogue n'est pas. Donc il y a une mise en scène, mais surtout, c'est la mise en scène au sens politique dont je voulais parler, c'est-à-dire il y a un homme en haut de la tour, le représentant, et en bas, il y a, disons, cette clameur, quand on le voit, qui est le suffrage universel. Au fond, c'est une mise en scène politique, hein, qui a sa force d'ailleurs. Michelet va en souffrir, il va être démis de ses fonctions, enfin pour ce genre de choses. Donc ça a son importance, hein. C'était pas de ma part simplement une ironie, enfin une manière de le tacler. Mais surtout, on peut, voilà, je crois, faire écrire aujourd'hui l'histoire autrement, parce que précisément, on a des sources. D'abord, tout au long du 19e, il y a des gens qui ont travaillé beaucoup sur la liste des vainqueurs de la Bastille, sur leur sociologie. Donc on a une liste importante quand même, qui fait presque, disons, 1000 noms, avec parfois le métier, l'adresse. Et puis, on peut aller même plus loin, puisqu'on peut les suivre au-delà, évidemment, de la prise de la Bastille. Ce qu'ils ont fait après, hein, d'ailleurs, certains personnages, voilà, vous évoquez Oui, et ça permet, je crois, alors, juste pour insister sur les morts, les 98 que vous citiez, je crois que c'est important à un titre, c'est que, finalement, on a des listes et on a des chiffres. Alors un chiffre, 98, ça fait pas beaucoup d'effet. Les historiens, évidemment, sont censés s'en tenir aux faits précisément. On a très peu de noms sur ces morts. On en a quelques-uns, Sagot, dont je parle, ou quelques autres. Bon. Mais on en a très peu. Or, en revanche, pour ce qui concerne la fin de la journée, la mort de Delaunay et du prévôt des marchands, là, on a évidemment il y a eu des enquêtes. Donc on a des documents. Donc un historien, évidemment, s'appuyant sur les documents, on parle toujours davantage. Or, il se trouve que la littérature permet, elle, en incarnant, à partir de ce que l'on sait de Sagot, l'endroit où il est mort, où il a été ramassé, quand il est ramené à la base Joule du Châtelet, ce qu'ont raconté les quelques personnes qui l'ont trimballé, d'où eux-mêmes viennent, du même quartier, ils disent ne pas le connaître, mais donc on sait à peu près d'où il vient, son métier, etc. Le moment donc où ça a eu lieu, et on sait que c'est un moment d'assaut ou pas, reconstituer vaguement, incarner sa mort et donner à ces 98, qui ne sont qu'un chiffre, un poids important qui est, je crois, le leur. Alors Michel Biard. Michel Biard. Oui. Je voudrais rappeler qu'il y a eu une association des vainqueurs de la Bastille, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un discours sur la Bastille à chaud, dès l'événement, et cette association dite des vainqueurs de la Bastille n'a eu de cesse que d'être mise en scène tout au long des années révolutionnaires. Ils sont toujours là dans les cortèges, notamment les cortèges festifs. Parce que si on détruit la Bastille dès le 17 juillet, enfin si on commence à la détruire très rapidement, en revanche effectivement on construit la mythologie de ceux qui l'ont vaincu. Bien entendu. Et les vainqueurs de la Bastille, ensuite on peut les suivre, et notamment les suivre à partir du moment où certains d'entre eux vont rejoindre les armées, puisqu'on parle d'anonymes, et si l'on sort un petit peu du 14 juillet, il est évident qu'à partir du moment où la France rentre en guerre au printemps 92, des anonymes, il va y en avoir par milliers, en l'occurrence par dizaines de milliers. Et là aussi, il y a des récits qui se construisent sur ces anonymes, qui n'en sont point en soi, hein, je dirais plutôt inconnus ou méconnus, puisque anonymes, ça supposerait qu'on ne connaît pas leur nom. Et dans le roman d'Éric Vuillard, on voit bien que parfois, quand on a les constats sur les cadavres, si on trouve un cadavre et qu'on n'arrive pas à l'identifier, lui, c'est un véritable anonyme. En revanche, celui qui va s'appeler Pierre Dupont et dont on va pouvoir au minimum voir de quel endroit il était, bon, c'est ce que j'appellerais plutôt un méconnu. Et ces récits héroïsés, je reviens aux récits héroïsés militaires, vont justement mettre l'accent en 93, par exemple, sur des humbles, de simples soldats qui vont être présentés comme des héros. Et oui, qui alors, sortent de l'anonymat pour cela. Ça, c'est très, très intéressant. Mais avant peut-être d'entrer dans ce chemin que vous nous suggérez, Michel Biard, qui est fort intéressant, j'aimerais quand même clore sur ce que disait Éric Vuillard, c'est-à-dire une certaine vision de l'histoire qui, à un moment, a, vous l'avez dit, soit le peuple, soit la foule, soit qu'on considère que le peuple est positif, soit la populace qui, ou la foule, ou la masse qui peut être négative, comme, disons, interlocuteur de récit, d'une certaine façon. Et donc, dans ce peuple et dans cette foule, peu de noms, qui surnage, parce que l'historien, disait en l'occurrence à propos de Michelet, Éric Vuillard, s'intéresse peut-être pas tellement à aller chercher plus profondément. Qu'est-ce qui se passe quand, à d'autres périodes, eh bien, on va aller plonger à l'intérieur de cette foule, cette masse, pour redonner une sorte de itinéraire de vie, pourrait-on dire, à quelques-uns, voire à beaucoup d'entre elles ou d'entre eux, Michel Biard. Tout à l'heure, Éric Vuillard citait le travail de Raymond de Monnier sur l'un des faubourgs parisiens. Alors, il y a aussi celui d'Aïm Burstein, historien italien qui a travaillé sur un autre faubourg. Et en fait, eux, justement, ont pu suivre un certain nombre de fils de destinées individuelles. Et à partir du moment où on veut les suivre, on va absolument toujours trouver, puisqu'on va retrouver des papiers, des sections, même s'ils sont un peu épars aujourd'hui en raison des incendies que j'ai signalés tout à l'heure. On va retrouver des papiers d'institutions autres comme les comités de surveillance. On va retrouver évidemment des papiers de sociétés politiques, de clubs, pour utiliser le mot d'aujourd'hui. Donc ces destins individuels, on va toujours pouvoir les recomposer si on les suit. Ça veut donc dire que c'est une question de regard absolument, de romancier ou regard de l'historien. Alors, qu'est-ce qui fait que ce regard change selon les époques? Qu'est-ce qui fait qu'à certains moments, on privilégie justement l'idée des grandes masses qui s'avancent pour pouvoir conquérir des droits, par exemple, et qu'à d'autres moments, peut-être ce moment signalé par Éric Vuillard, eh bien on va rentrer dans ces masses, on va individualiser quelques-uns de ces individus pour leur donner une existence, des raisons d'être, des raisons pour lesquelles ils se mobilisent, qui sont des raisons individuelles qui font une révolution aussi, Michel Biard. Là, c'est vraiment l'historiographie qui joue son rôle. C'est-à-dire que chez Michelet, on a le peuple qui est une entité absolument très très générale, hein. Le peuple capable de bonté, etc., mais capable de violence aussi. Et puis ensuite, il est évident qu'on va avoir une histoire, et notamment l'histoire qu'on va qualifier de marxiste, pour faire un peu simple, pour ne pas dire simpliste, qui va avancer le fait que c'est l'histoire qui est faite par les masses. Hein, donc de ce fait, il est clair que c'est quelque chose qui a pendant longtemps fait qu'on n'est pas descendu dans le petit élément, la petite vie, la petite biographie, biographie, il a fallu attendre... La Microstoria, voilà, c'est quand même un rôle essentiel. Par exemple. Oui. Même si d'autres historiens de la Révolution française avaient travaillé sur des destins individuels bien avant, comme Georges Lefebvre. Oui. Et votre maître Michel Vauvel, évidemment, s'y était intéressé au premier chef, alors qu'il était lui aussi tenant de cette histoire que vous venez d'écrire, Éric Vuillard. En fait, je pense que principalement, enfin pour ce qui nous concerne, l'horizon dans lequel nous sommes inscrits, c'est celui de la fin de l'hégémonie marxiste, au fond, je veux dire, comme pensée. Et puis aussi, du coup, je crois, un horizon trouble pour nous. C'est-à-dire, on écrit toujours dans une période de l'histoire. Mmh. Et ce que nous avons devant nous, alors il y a d'autres périodes, par exemple, je sais pas, avant-guerre, la montée du fascisme a quelque chose d'inexorable. On le voit, la guerre arrive, enfin, on peut ne pas la voir. Mais là, les menaces et les inquiétudes sont diverses. Il y a quelque chose d'éparpillé. Alors, il me semble que, du coup, l'attention portée sur les destins individuels, pour nous, doit avoir une résonance, je pense, particulière. Mais c'est aussi une chose qu'on doit voir au long cours. Dans l'histoire de la littérature, par exemple, on voit bien, tout à coup, la façon dont les noms, le nom propre, le nom de chaque individu se met à compter, l'importance qui lui est donnée. Enfin, je pense que Proust, enfin, on peut toujours trouver des... donner des dates différentes à ces choses, mais il semble que la recherche du temps perdu est une sorte de roman du nom propre. Il y a toute... Barthes nous a enseigné que c'est lorsque Proust découvre les noms de la recherche que tout à coup il sort d'une certaine façon de Jean Santeuil et qu'il peut se mettre à écrire. C'est un moteur à l'écriture. Que ce soit Swann, Saint-Loup, etc. Et non seulement c'est ça, mais il y a une théorie du nom dans le premier tome. Nom de pays, le nom. C'est-à-dire il nous parle du charme qu'ont les noms propres et de la déception que l'on a en s'en rapprochant. Et donc je crois que tout le jeu aussi que nous avons aujourd'hui, c'est de regarder tout à coup, non plus en littérature en tout cas, quelque chose, je crois, est en train de se défaire autour des noms de personnages imaginaires, on le voit bien, et d'ailleurs presque aussi des pseudonymes d'écrivains, pour les véritables noms et peut-être les désenchanter. Alors... Et en même temps, Éric Vuillard, vous êtes dans cette histoire, cette question du nom, retrouver un nom, retrouver une histoire, et puis on est dans votre 14 juillet, on est aussi dans la foule, on est ce « on ». C'est-à-dire que vous n'arrêtez pas en fait d'aller et venir entre cet individuel et ce collectif. Vous êtes en plein dans la problématique, historiographique. Absolument, mais on est aussi précisément dans le cadre, en tout cas, d'une émeute, un collectif. Je crois que, Sartre, dans sa, pardon pour le titre un peu compliqué, mais la critique de la raison dialectique est un très beau livre et très intéressant là-dessus, très très touffu sur ces choses, sur le rapport du subjectif, de la contingence à la détermination et à la foule. Voilà, et à la façon dont ces choses s'articulent. Mais le à ce titre, et je crois un pronom indéterminé, un peu oral, qui a donc, je crois, à voir avec les foules. On vient, on arrive, enfin, nous l'employons sans cesse. Le « nous » est fermé, et puis le « on » est ouvert, il embarque. Michel Bien. Oui, c'est aussi le moment où le « on » commence à se lire en termes de citoyenneté, en termes de souveraineté, puis de citoyenneté. Donc ça, c'est également quand même quelque chose d'important. C'est pas forcément à partir du 14 juillet, en l'occurrence, mais à partir du moment où les choses vont se mettre en place, où la révolution va vraiment se déclencher, devenir une révolution qui passe par les institutions, qui passe par le droit de voter et d'élire, etc. Là, il va y avoir effectivement un « on » qui devient tout autre chose. Vous écoutez France Culture, La Fabrique de l'Histoire, Emmanuel Laurentin. Plutôt un Un extrait des Troqueurs, un opéra bouffon composé par Antoine d'Auvergne en 1753. L'extrait s'intitulait « Sans rire, comment va le désir conjugal ?» Nous sommes ici dans la fabrique de l'histoire, dans une série d'émissions qui débute aujourd'hui en ce lundi pour nous poser la question des anonymes, des sans-voix de l'histoire, de ceux qui laissent peu de traces dans les archives, avec l'écrivain Éric Vuillard, avec Séverine Yatard de la fabrique de l'histoire qui a préparé cette émission avec moi, et avec vous, Michel Biard, historien spécialiste de la Révolution. Une des questions tout de même que l'on peut se poser, c'est la liberté qu'a un écrivain de plonger dans des travaux d'historien pour pouvoir en sortir un roman qui s'appelle 14 juillet. Vous ne l'avez pas d'une certaine façon, mais il y a bien un caractère démiurgique à l'historien de la Révolution française ou de toute autre période, parce qu'il choisit son objet. Il choisit, ce dirait un dirigeant d'aujourd'hui avec ce terme terrible, son périmètre d'action. Et il choisit ses figures héroïques, moins héroïques, plus populaires ou plus altières d'une certaine façon. Et cela, effectivement, il peut changer lui aussi de focale, descendre plus bas, s'intéresser à ceux qui sont des sans-voix ou des sans-grades. Et puis une autre fois, s'intéresser à Danton ou à Robespierre, comme vous l'avez fait, Michel Biard. Bien entendu, moi je dirais plus volontiers que l'historien ou l'historienne, au demeurant, choisit ses archives et tâche de poser les bonnes questions sur le fonds d'archives qu'il a constitué, qu'il ou elle. Mais en choisissant ses archives. Mais derrière, évidemment, en choisissant ses archives, on va choisir une problématique, on va choisir une façon d'aborder une question, et l'on va forcément se heurter à des personnages qui sont connus, hein, des protagonistes de la Révolution française, par exemple, et on va forcément se heurter ou rencontrer des personnages qui sont plus méconnus. Mais selon le choix que l'on fait de mettre une catégorie ou une autre en avant, on ne fait pas d'une certaine façon la même histoire, Michel Biard. C'est-à-dire que si on se heurte à un personnage très connu et qu'on décide de le suivre et de laisser dans l'ombre ceux qui l'entourent et qui le sont moins, c'est autre chose que de se dire bah, « Tiens, je vais aller voir le côté un peu ombragé de cette histoire, aller regarder dans les coins ceux qui sont à côté, dont on ne parle jamais ou presque jamais. » Bien entendu, je dirais que la différence fondamentale est que pour un personnage de tout premier plan, et vous citiez Robespierre ou Danton, allons-y pour ces deux noms-là, qui sont les plus emblématiques peut-être. Et sur lesquels vous avez écrit tous les deux. Oui, pour ces personnages-là, il y a ce que j'appellerais volontiers une gangue historiographique, tout un aspect de légende, souvent, hein, noirs ou dorés, dont il faut que nous nous débarrassions, ou en tout cas dont il faut que nous fassions avec, si j'ose m'exprimer ainsi, alors que pour des personnages moins connus, nous n'allons pas avoir cet obstacle. Mais ce nonobstant, on parvient parfois au même résultat en prenant les petits et en prenant ceux qui sont plus connus. Et on s'aperçoit aussi que, puisque l'émission s'appelle La Fabrique de l'Histoire, ben, on voit très bien justement comment se fabrique l'histoire. Mm-hmm. Hein, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui vont passer à la postérité et d'autres, au contraire, qui vont, eux, rester anonymes. Je vous citerai un exemple tout simple et pardon de revenir sur un fait militaire, mais c'est parce que j'y travaille en ce moment même. Parmi les nombreux morts qui sont anonymes ou les nombreux morts qui sont héroïsés des guerres révolutionnaires. À un moment donné, il est évident qu'on choisit deux adolescents qui s'appellent Barra et Viala, bien sûr, mais qu'il y a des centaines, des milliers d'autres petits tambours de 14-15 ans qui ont été tués pendant ces guerres révolutionnaires. On se demande d'ailleurs si certains ont véritablement existé. Alors ça, c'est un autre problème. Voilà. Mais on choisit ces deux-là. Bon, Marie-Josée Chénier, dans son champ des départs, du départ, les met en scène. Hein, de Barra, de Viala, le sort nous fait envie. Ça a été appris par des générations et des générations d'écoliers jusqu'en plein XXe siècle. Je veux dire, moi-même, écolier, j'ai appris le chant du départ. Alors aujourd'hui, ça fait peut-être un peu bizarre à dire, j'imagine. Moi aussi, mais... hein, ne vous inquiétez pas. J'aime mal penser, mais en l'occurrence, voilà deux exemples de personnages qui ont été choisis. Séverine Yatard. Travailler aussi sur les anonymes, les vies ordinaires, les vies fragiles. Éric Vuillard, c'est aussi travailler sur, et vous le dites, c'est travailler sur les émotions, ou alors s'imaginer les émotions. Et puis alors, en histoire aussi, hein, on travaille sur les émotions. C'est-à-dire, vous dites... voilà, vous essayez d'imaginer justement la peur, la poussière sur les chaussures de ce moment de la prise de la Bastille. Alors ça, c'est un travail d'écrivain et aussi un peu d'historien ou puisqu'on travaille aussi sur ces problématiques. Par exemple, je pense à, sur la Révolution française, on a travaillé beaucoup sur la violence. Je pense aux travaux, par exemple, de Jean-Clément Martin, par exemple. Oui, alors en nouant la question aux archives elles-mêmes, en travaillant sur le 14 juillet, donc vous me demandiez tout à l'heure, et j'avais pas tout à fait répondu d'ailleurs à la question sur quelles archives j'avais travaillé. Bon, je suis allé à la fois donc au centre-ville, aux archives nationales, donc travailler sur les archives des commissaires, mais pas seulement, sur aussi, alors là, donc à Saint-Denis, sur la liste des vainqueurs de la Bastille, donc puis enfin les listes, hein, puisque tout ça a duré très longtemps, et c'est très intéressant puisqu'il y a pas seulement les noms, il y a les signatures. Ça permet de voir que Aubin Bonnemère, par exemple, signe Aubin, mais qu'il inverse la barre du N. Donc c'est ces petits détails. Il est quasiment analphabète, et puis ça a quelque chose, et là j'en reviens aux émotions, qui est touchant. Et l'importance que ça a au fond, enfin on peut nouer ça à une question peut-être plus générale, qui est que, effectivement, vous le disiez à l'instant, nous trions, et pas seulement les périodes, mais nous trions les archives. C'est-à-dire que non seulement nous écrivons à une période donnée, dans un milieu social donné, qui est celui de chacun, mais avec des idées politiques aussi qui sont les nôtres. Et de ce point de vue-là, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, que ce soit une idéologie ou quelque chose, elles ressortent. Et donc, nous effectuons un triage. Et pour venir à l'émotion, je me souviens très bien de cette archive qui porte sur donc l'un des nombreux participants, François Rousseau, à la prise de la Bastille. Qui a un allumeur de réverbère. Voilà, je tombe sur ce nom. Alors évidemment, c'est le nom Rousseau, le frère de Jean-Jacques, enfin, etc. Ça m'attire. Mais pas seulement. Tout à coup, cette archive, d'abord, est très belle. Elle est dans cet ancien papier qui se dégrade peu, etc. Très bien écrite. Et puis, il y a en tête 14 juillet 1789... et donc il s'agit d'un cadavre que l'on ramène à la base Jaule du Châtelet, qui est ramené par un certain nombre de personnes. Et puis il se trouve que l'archive est double, en fait. On a l'archive à proprement parler, et puis sur cette archive, dans la marge, en fait, il y a un autre procès-verbal qui lui est 8 mois plus tard. Et cette fois-ci, c'est sa femme, Jeanne Billard, Marie-Jeanne Billard, qui vient tout simplement sur papier, en fait, sur la base de la première archive qu'on a devant, identifier le corps de son mari. Et la première C'est une scène. Voilà, exactement. Vous inventez une scène à partir de là. Tout à fait. D'ailleurs, d'une certaine manière, il y a une scène tout de suite, puisqu'il y a une intrigue aussitôt, puisqu'il y a deux dates. Il y a deux dates, mais il y a la marge aussi. La marge en soi, alors je suis allé interroger l'archiviste en lui demandant est-ce que c'est fréquent. Il me dit oui, non, n'y voyez pas autre chose que. Oui, mais l'historien n'y verrait pas autre chose, mais l'écrivain, il voit peut-être autre chose. C'est passé. Je suis allé voir d'autres archives, celle par exemple qui porte, puisque le même commissaire qui, dans le dossier duquel se trouve cette archive, a aussi pour vocation, à l'époque, lorsque quelqu'un meurt, un riche bourgeois, de faire l'inventaire de sa fortune. Et là, tout à coup, il n'y a pas de marge qui tienne. On prend une nouvelle feuille, vous comprenez, quand on doit marquer autre chose. Donc on voit bien qu'il y a malgré tout une asymétrie dans les sources, quand il y a des sources, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça, évidemment, suscite de l'émotion, et cette émotion se répercute dans l'écriture. Vous ressentez, en tant qu'historien, Michel Biard, ces émotions qu'on sent bien dans l'hésitation même à les dire d'Éric Vuillard devant ce même type d'archives, mais surtout, vous avez peut-être aussi des préventions méthodologiques à vous dire, ne pas surinterpréter, que peut-on en faire de ce genre de notation, etc. Oui, il est clair que nous n'avons pas du tout la même liberté de laisser voguer notre plume, pas la même liberté d'invention sur la poussière sur les chaussures, par exemple, sauf si l'archive, il y en avait forcément sauf si l'archive l'atteste, effectivement, il y avait forcément de la poussière. Mais nous avons, lors de nos rencontres, lors de nos plongées dans les archives, nous avons nécessairement tout le temps ce type de découverte, c'est-à-dire une découverte qui donne de la, ce que j'appelle donner de la chair, c'est-à-dire que concrètement on rentre dans la vie d'un personnage. Alors pour parler d'un tout autre moment qui est le moment, c'est encore une foule en émeute, qui est le moment des dernières journées révolutionnaires du printemps 95. J'avais travaillé un petit peu sur cette question et quand on a commencé à traquer les gens, donc vous savez qu'il y a un député qui est assassiné, enfin qui est tué en pleine assemblée, le député Ferraud, et que sa tête est coupée et baladée au bout d'une pique. Ensuite, on a toute une série d'archives sur ceux qui ont approché de près ou de loin la tête du député coupé. Et là, effectivement, vous avez des destins qui s'entrecroisent, de l'habitant du faubourg à quelqu'un qui était venu à Paris pour vendre du bétail et qui s'est retrouvé là à ce moment. Donc là, ce sont des petites vies minuscules, effectivement, que l'on rencontre. Mais quel est l'intérêt aujourd'hui, justement, pour l'historien de mettre l'accent sur sa vie minuscule, comme le font les écrivains, comme le fait Pierre Michon, par exemple, ou comme le fait Éric Vuillard, quand il s'intéresse justement à sa vie minuscule? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça nous dit de l'état de l'historiographie, Michel Biard, et de l'intérêt que l'on a justement à faire ressurgir des fragments de vie, comme l'a fait Alain Corbin avec Louis-Ferdinand Pinagot, par exemple, en se disant « je peux consacrer un livre entier, même si aujourd'hui d'autres historiens ont trouvé d'autres archives, à quelqu'un qui a laissé aucune trace ou presque dans les archives, Michel Biard. » Oui, alors je ne suis pas sûr que ça nous dise quelque chose de l'état de l'historiographie, ça serait une vaste ça question. Ça dit quelque chose des historiens et des historiennes d'aujourd'hui. La manière de faire de l'histoire aujourd'hui. Bon, je crois qu'effectivement, il y a aujourd'hui une tendance à peut-être vouloir trouver une autre façon d'approcher un événement qui est déjà connu, ou d'approcher une période qui est déjà connue, et de l'approcher justement par des personnages qui seraient moins connus. Hein, ça serait un bel exemple. Mais je ne sais pas si c'est une tendance de l'historiographie. En tous les cas, par exemple, à Arlette Fache, je dis volontiers que sur toutes les problématiques d'opinion publique, qui fait l'opinion, elle travaille sur les classes populaires, sur justement ces anonymes, ces vies ordinaires, parce qu'elle considère qu'effectivement, les vies ordinaires, les vies populaires font autant l'opinion publique que l'aristocratie des Lumières, par exemple, ou les journalistes à l'époque. Enfin voilà, que ces acteurs-là, on leur part, évidemment. Et on peut penser aussi que d'une certaine manière, enfin, l'historien, d'une certaine façon, ou l'écrivain, de ce point de vue, rétablissent aussi un déséquilibre. C'est-à-dire, l'actualité, elle ne nous parle pas de ces gens-là tout de même. C'est-à-dire qu'au jour le jour, les actualités, ce sont des grands hommes dont il est question, des grands événements, ou alors des masses qui souffrent à cause de tel ouragan, etc. Mais, précisément, les sciences humaines et la littérature peuvent, je crois, parce qu'elles travaillent aussi sur, justement, sur des archives, au long cours, et puis parce qu'elles n'appartiennent pas aux mêmes, enfin, comment dire, les mêmes enjeux idéologiques ne pèsent pas sur elles, parler de l'événement, s'adresser à l'événement autrement, et je crois que ça a son importance. Lorsque le soir du 14 juillet, par exemple, le marquis de La Salle accueille les émeutiers, on voit bien qu'aussitôt, le pouvoir tente de constituer quelque chose. Il demande aux gens de se signaler, donc il veut constituer un petit groupe des vainqueurs de la Bastille, ce serait somme toute pratique. Et on a donc l'historien officiel de l'époque de l'Assemblée nationale qui va donc écrire la relation du 14 juillet et nous dire que la plupart d'entre eux partirent comme s'ils avaient fait un mauvais coup. Ces gens-là vont donc échapper d'une certaine façon à l'actualité. Il serait bon qu'ils n'échappent pas à l'histoire. Michel Biard. Échapper à l'actualité, je ne sais pas, mais en tout cas refuser de se faire inscrire sur une liste. Ça, c'est un autre problème. Alors voilà, c'est vouloir être anonyme, du coup. Bien sûr, mais ça, oui, on sait qui c'est. Comment faire l'histoire de ceux qui, délibérément, justement, choisissent l'anonymat? Parce que cela aussi, ça existe dans des périodes particulières. Quand ils choisissent vraiment l'anonymat, ils s'y tiennent et on ne pourra jamais le retrouver, c'est évident. Mais pour le cas de la Révolution française, on a de toute façon d'autres voies. J'appellerais ça contourner l'obstacle. On finit toujours par retrouver ces humbles militants populaires par les papiers des sections que j'évoquais tout à l'heure. Bon, Raymond de Monnier et Albert Soboul avaient fait autrefois un répertoire des militants parisiens, des militants sectionnaires, dans lequel on peut aller piocher et retrouver des noms, et ensuite on remonte la bobine de fil, hein, finalement. Mais quelqu'un qui veut se rendre anonyme et qui respectera jusqu'au bout cet anonymat, je dirais qu'on rentre presque dans un autre débat. Et on rentre, entre autres, dans le débat de la prose pamphlétaire, par exemple, qui est souvent sur quoi vous avez travaillé. Sur quoi j'ai travaillé récemment, qui est souvent publié sous forme de pamphlets, de libelles, qui sont anonymes pour des raisons de sécurité liées à la censure. Oui, mais c'est un autre débat, ça. Oui, comme on a pu le voir, effectivement, avec un grand historien qui s'est intéressé aux libelles et aux pamphlets avant la Révolution française, on arrive tout de même, en tant qu'historien, à percer justement ces pseudonymes ou cette façon de publier parfois. Bien entendu, mais à partir de là, c'est justement une vraie question. Est-ce que l'enjeu majeur, c'est d'aller percer cet anonymat? Ou est-ce que l'enjeu trouver qui est derrière l'anonymat, mais où est-ce que l'enjeu majeur, c'est de voir quel impact a eu tel pamphlet à tel moment donné sur les lecteurs ou les auditeurs, puisqu'un pamphlet, ça peut aussi s'écouter, lu par quelqu'un d'autre. Là, en l'occurrence, enfin pour la fin de la journée de la Bastille, il ne s'agit pas évidemment de comploteurs qui souhaitent devenir anonymes. Il s'agit tout simplement de masses très importantes de la foule qui sont très vraisemblablement parmi les masses les plus pauvres de la population et qui souhaitent échapper à d'éventuelles représailles. Donc on peut en retrouver quelques-uns, notamment dans les archives de la police, qui vont le soir même, puisqu'en même temps qu'on les célèbre de cette façon là que je viens de citer à l'hôtel de ville, évidemment que dans les rues adjacentes, un petit peu plus loin, la maréchaussée les arrête, on les ramène à la geôle du Châtelet parce que l'un était trouvé avec une chemise, on lui demande si elle vient pas de la Bastille, quand il dit que non, on l'encabane tout de même, etc., etc. Un autre ramène avec des camarades un mort, alors là encore on les interroge, vous étiez à la Bastille, et tous les procès-verbaux sur lesquels je suis tombé de ce jour, lorsque les gens par exemple ramènent quelqu'un de la Bastille mort, et qu'on leur demande s'ils étaient à la Bastille, tous allaient faire une course au Faubourg Saint-Antoine. Oui, parce qu'effectivement on ne dit pas forcément qu'on veut faire la révolution, d'autant qu'on ne sait pas que c'est la révolution qui est en train de se dérouler, Michel Bia. Là, je répondrais oui et non. Oui et non, dans la mesure où on ne sait pas ce qui va advenir après. Voilà, ce qui va advenir de cette révolution. En revanche, il est évident que le jour du 14 juillet... Il y a cristallisation et qu'on sent tout de suite que c'est un événement qui est un événement absolument important et après lequel, si j'ose dire, rien ne sera plus comme avant. Mais parce que c'est quelque chose qui est venu à maturation. Oui, il y a eu des émeutes avant. Voilà, il y a c'est là qu'il faut remonter en arrière. Alors, pas seulement à l'émeute Réveillon, même si pour un écrivain, remonter à l'émeute Réveillon, j'entends bien quel est le mécanisme. C'est très tentant, donc avril 1789. Mais c'est une émeute qui est, pour le coup, radicalement différente de ce qui se passe à la Bastille. Mais en revanche, c'est toute la maturation autour de la prise de parole politique, puisque avant, non seulement juillet, mais évidemment aussi avril, il y a toute la campagne autour des États généraux, et avec ce bon roi Louis XVI qui donne de fait la parole à tous ceux qui voudront bien la prendre. Là, il y a quelque chose d'absolument spectaculaire. Michel Biard, quand nous avions lancé, il y a déjà 10 ans de cela, notre série d'entretiens avec les femmes et les hommes politiques sur leur imaginaire historique, l'une d'entre elles, c'était Marie-Georges Buffet, disait « Mes héroïnes, ce sont les femmes de la Révolution française ». C'est amusant parce qu'effectivement, elle dirigeait le Parti communiste à l'époque. Les femmes de la Révolution française, on pourrait rentrer plus profondément, on pourrait se dire, a-t-on les noms ? A-t-on les noms des femmes qui voient le roi à Versailles, par exemple, ou sont-elles désormais définitivement anonymisées ? Alors, deux réponses ou deux éléments de réponse. Le premier élément, évidemment, nous sommes là devant une culture politique. Je veux dire, il est évident que la culture politique communiste a justement eu comme fondement, parmi ses fondements, la Révolution française. Alors Marie-Georges Buffet étant une femme, qu'elle parle des femmes, ça n'est pas étonnant. Bon, l'autre aspect, c'est que les femmes, par excellence, sont encore plus anonymes, si je puis m'exprimer. Le silence ainsi de l'histoire, disait Michel Perrault. Bon, quant à la question directe que vous posiez sur connaît-on les noms, on en connaît quelques-unes, mais on connaît les noms de celles qui ont porté la parole. L'expression porte-parole, ça veut dire quelque chose au sens physique du terme. On connaît celles qui sont allées en délégation. Donc on retombe sur ce qu'évoquait Éric Vuillard tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que ceux qui se sont mis en avant sont les plus connus. Et je rappellerai que la loi peut être terrible en la matière, on revient à l'histoire des listes, puisque le 21 octobre 1789, lorsqu'est prise la loi martiale, ceux qui sont visés au premier plan, ce sont ceux qui ont été repérés comme les meneurs. Évidemment. Merci beaucoup Michel Bien. Je rappelle que vous êtes historien de la Révolution française et que votre dernier livre, fort intéressant, est paru chez Vendémiaire au printemps dernier. Il est titré « La Révolution hantée, enfer fantasmé et Révolution française ». Et pour vous, eh bien, votre dernier livre s'intitule « L'ordre du jour ». Il traite de la montée des périls avant la Seconde Guerre mondiale. Éric Vuillard, mais nous parlions avec vous de 14 juillet, paru l'année dernière chez Actes Sud. Demain, nous allons donc continuer à parler de ces anonymes avec quelqu'un qui a travaillé sur ce sujet que vous avez rencontré, donc. Et dont nous avons parlé, évidemment, dans ce débat, c'est Arlette Farge. Ils restèrent chez moi jusqu'à 7 heures, et comme ils allaient s'en aller, ma femme me dit de les prier à souper. Je ne le voulus pas. Le lendemain, le dit Richer vint à midi, midi et demi, au sortir de son bureau, faire une visite à ma femme. Et il resta jusqu'à près de 2 heures. Elle l'engage à dîner, ce qu'il accepte d'abord. Je rentre à 2 heures. Je ne suis jamais plus étonnée de trouver le dit Richer à la maison. Et ma femme qui me dit « Ne vous laissez en aller, je l'ai engagé à dîner. » Je ne réponds rien, on se met à table. Ma femme l'engage à venir promener Palais-Royal. Il reste jusqu'à 7 heures qu'il retourne à son bureau et le soir, ils vont aller promener au Palais-Royal. Le lendemain, vint souper et au Palais-Royal.